La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, petit voyage au pays qu'habitent les sons. Un chantier, cela fait du bruit, et cela a toujours fait du bruit. Mais dès lors qu'il n'existe pas de machine à remonter le temps qui soit vraiment fonctionnelle, comment savoir ce qu'entendaient, par exemple, les riverains du chantier de Notre-Dame de Paris en 1170? Autre exemple, parce qu'il n'y a pas que les chantiers dans la vie, comment savoir ce qu'entendaient les membres de la cour à Versailles sous Louis XIV? Et les batailles du passé, quel bruit faisaient-elles? Et les fameux embarras de Paris, et les outils des artisans d'autrefois? Heureusement, grâce aux progrès techniques, et surtout à quelques passionnés, une archéologie des paysages sonores est récemment devenue possible. Cette nouvelle discipline de recherche consiste à faire entendre l'histoire. Comment ? En transmutant le passé en bande sonore, en faisant bruisser les jupons des mondes trépassés. L'espace-temps, déjà strié par la vitesse de la lumière, serait-il en train, en plus, de franchir le mur du son ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Mylène Pardoen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure de recherche au CNRS. Vous êtes archéologue des paysages sonores, en poste à la Maison des sciences de l'homme de Lyon-Saint-Étienne. Vous avez obtenu de très nombreuses récompenses, notamment un cristal CNRS en 2020. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom qui s'écrit P-R-D-O-E-N ? Tout à fait. Pardoen. Bonne prononciation. C'est un mot flamand, je crois ? Alors oui, c'est un nom flamand. Donc on peut aussi le prononcer à la flamande, Pardoen. Mais ça signifie quelque chose ? Ça signifie qui aime à faire connaître. Ah ben, ça va bien avec votre métier de transmetteuse de sons. Vous avez deux bonnes oreilles, j'imagine. Oui, deux. Vous en avez deux en plus. Et vous avez donc inventé cette nouvelle discipline, l'archéologie du paysage sonore ou des paysages sonores. C'est trois mots qu'on n'a pas l'habitude d'associer. Archéologie, paysage et paysage sonore. Comment est-ce que vous les reliez ? Alors, avec un fil rouge, une matière qui est magnifique, qui est une matière son, qui est à la fois dense au niveau de nos oreilles, mais dense en fréquence, dense aussi au niveau du volume sonore parfois. Et cette matière-là, je la délecte, je m'en délecte tous les jours. Mais vous avez un parcours qui est quand même très original. J'ai cru comprendre que vous avez passé 17 années dans l'armée en tant que mécanicienne. Vous répariez, vous entreteniez des hélicoptères. Alors j'ai fait 17 ans de service au service de la France et j'ai eu l'opportunité en effet de bifurquer à un moment donné pour pouvoir m'orienter vers ce qu'on appelle la mécanique hélicoptère, donc plutôt cellules et moteurs, avec donc ces moteurs qui font beaucoup de bruit. Et pour se protéger les oreilles, on met un casque, mais un casque anti-bruit cette fois-ci. Mais alors qu'est-ce qui vous a mené à votre activité actuelle ? Parce que le lien entre... mécanicienne d'hélicoptère et archéologue des paysages sonores me paraît pas direct. Non, il n'est pas du tout direct. Il y a une fracture dans ma vie. J'ai eu un problème de santé. Et comme je n'ai pas le baccalauréat et que je rêvais de faire des études, eh bien, à 30 ans, j'ai toqué à la porte de l'université. J'ai validé mes années et mes diplômes que j'ai passés à l'armée. Et je suis rentrée pour faire... on va dire une filière musicologie, et je me suis jamais projetée dans le temps, et aujourd'hui je suis titulaire d'une thèse, donc je suis docteur en musicologie. Mais vous avez fait une thèse, Mylène Pardoen, sur les musiques militaires. Oui. Alors qu'est-ce qui fait qu'une musique est militaire ? Est-ce que vous pouvez la reconnaître à partir de la lecture de la partition, par exemple ? Alors déjà, le patrimoine des musiques militaires, et je dis bien des musiques militaires, il est vaste, puisqu'on a plusieurs branches possibles. On a tout ce qui est musique de batterie et sonnerie d'ordonnance. Donc c'est des petits signaux musicaux qui permettent de transmettre les ordres, quels que soient les ordres, que ce soit à l'intérieur d'une caserne ou sur un champ de bataille. Ensuite, on a toutes les musiques des marches pour se déplacer. Aujourd'hui, on se déplace en voiture, mais à l'époque, on était plutôt à pied ou à cheval. Donc, on a toutes ces musiques-là qui permettaient de rythmer le pas. Et il y a des grandes réflexions qui étaient sur à quelle vitesse devait-on se déplacer, donc à quelle vitesse devait-on exécuter les musiques. Nous avons également tout ce qui est musique de cérémonie, qui est important aussi. Et puis le dernier grand chapitre, eh bien, c'est les musiques pour le plaisir, puisque les orchestres militaires animaient les bals à l'époque. Alors là, c'est une étape importante, hein. Une thèse sur les musiques militaires, on se rapproche de la captation des sons, mais on n'y est pas tout à fait. Non. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené, quelles sont les circonstances, puisque vous dites que vous ne prévoyez pas le futur, vous ne vivez qu'au présent, oui. Quelles sont les circonstances qui vous ont fait bifurquer au point d'inventer, avec d'abord toute seule et ensuite avec une équipe, une nouvelle discipline de recherche? Alors j'ai eu l'opportunité, puisque j'étais spécialiste des musiques militaires, de travailler pour le musée des Invalides, sonoriser des pans de bataille. Donc, alors, un champ de bataille, c'est bruyant, en effet. Mais c'est pas bruyant de la même manière au 18e, au 17e, au 18e siècle qu'aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était vraiment parlant. C'est-à-dire, quand j'ai vu ces cinq plans de bataille que j'étais susceptible... Qu'est-ce que vous appelez un plan de bataille ? Un plan de bataille, c'est un plan avec des petits dessins sur ces cartes. Et ces rectangles, ils ont tous une signification. C'est-à-dire qu'on va savoir si on est sur de la cavalerie, sur de l'infanterie, si c'est de l'artillerie. C'est les plans qui préparent les batailles ? Au musée des Invalides, c'est des plans qui expliquent comment se déroule la bataille. D'accord. Donc on a une chaîne chronologique, et puis on va voir l'animation qui permet de faire bouger ces régiments et comprendre comment s'articule la bataille sur une carte, toute simple. Et il fallait les sonoriser. Et c'était lucide, quoi. C'était clair. Ces chants-là, on commence par un chant, et progressivement, ça va arriver jusqu'à être des pays complets. Donc, il y a toute une articulation sonore qui évolue. Déjà parce que l'artillerie, au tout début, on a très peu de canons. Après, ben, il y a beaucoup de canons qui tirent de plus en plus loin, qui font de plus en plus de bruit. Et le champ de bataille, il s'élargit. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin des sonneries et des batteries d'ordonnance qui permettent de donner les ordres sur le terrain. Mais on va passer par tout un système de radiophonie, des talkie-walkie et puis des ondes. Donc tout ça, ça disparaît et ça fait évoluer. Mais quand je suis arrivée, moi, aux Invalides, après ma mission, je me suis posé la question quand même, pourquoi les musées ne mettaient pas de son alors qu'on est avec des générations où on est sur du multimédia? On veut voir des images, pourquoi on n'entendrait pas des sons? Et la réponse on m'a apporté à chaque fois, c'était « on veut pas du Walt Disney ». Donc je me posais la question, qu'est-ce que du Walt Disney pour un conservateur de musée ? En négatif, il y a une part scientifique qui est très prégnante chez le conservateur de musée, et cette part scientifique, personne ne pouvait y répondre. Moi, je suis scientifique. C'est-à-dire qu'ils exigeaient que vous trouviez le son juste et non pas un son qu'on plaquerait sur des images, sur des plans, en l'occurrence, de façon arbitraire. Ce qu'ils voulaient pas, c'était un imaginaire collectif véhiculé par le cinéma. Ce qu'ils cherchaient, c'était avoir un discours scientifique sur lequel le son avait sa valeur. C'est-à-dire qu'un son, il peut recontextualiser finement n'importe quel objet ou n'importe quelle action, à partir du moment où on met de côté tout ce qui est émotionnel. Mais quand, Mylène Pardoen, vous découvrez un plan de bataille, comme vous dites, est-ce que ça fait immédiatement du bruit pour vous ? Oui, oui, ça fait du bruit. Parce que pour moi, non. Oui, j'ai cru comprendre que... Alors que pour moi, tout était bruyant quand je déploie un texte ou quand je déploie un plan ou quand je vois un tableau, c'est bruyant. C'est-à-dire que chaque élément, je peux lui attacher ce que j'appelle moi un indice sonore qui est très présent dans ma tête. Après, je vais quand même recouper mon information parce que chaque témoignage qui nous parvient du passé, il est quand même biaisé. Il est biaisé par l'émotion de celui qui l'a créé. Il est biaisé aussi parce que aujourd'hui, si on peut prendre une photo et on peut avoir un instantané du moment présent, à l'époque, quand par exemple on a un tableau, le peintre, ce qu'il essaye de reproduire, c'est tout ce qui se passe sur le lieu pour en laisser un témoignage. Donc moi, si je veux faire que 4 minutes, si je veux restituer 4 minutes de ce moment-là, je ne vais pas prendre le tableau. ce qui m'intéresse, c'est pas de restituer la scène du tableau, c'est de restituer le moment géographique qui se situe à l'instant T. Mais le fait d'entendre des sons dès que vous découvrez un document, que vous lisez des archives, etc., est-ce que c'est ça qu'on appelle de la synesthésie ? C'est de la synesthésie, tout comme Messiaen voyait des couleurs quand il voyait une partition de musique. C'est-à-dire l'association entre un texte, une partition, et puis un autre sens. Donc vous n'êtes jamais tranquille ? Je suis jamais tranquille. Il y a toujours du bruit ? Oui, il y a beaucoup de bruit. Tout est son, finalement. Tout est sonore, oui. Tout est sonore. Ouais. Alors, combien de temps ça vous prend pour... Vous avez parlé d'extraits de quelques minutes. Oui. Combien de temps ça vous prend de travail de recherche, de reconstitution, pour reproduire, par exemple, quelques sons les plus exacts possibles scientifiquement de la bataille d'Austerlitz ou d'un autre événement de ce type ? Alors, bataille d'Austerlitz, je ne vais pas m'avancer parce que je n'ai pas travaillé dessus, mais par exemple, pour le chantier de Notre-Dame, en préparation avant d'aller sur le terrain, c'est 390 heures au bas mot de recherche dans des archives, en sollicitant mes collègues. C'est 22 jours de captation sur le terrain et c'est 390 heures d'assemblage des sons pour avoir juste 4 minutes. C'est pas très rentable. C'est absolument pas rentable. Je vous propose, Mylène Pardonnet, qu'on écoute un premier extrait. Je ne dis pas à nos auditeurs et à nos auditrices de quoi il s'agit, on en parlera après. Reconnaître une cloche, mais avant ça craque. Qu'est-ce qui craque ? C'est le beffroi. Donc ce qu'on a entendu, c'est le beffroi de la cathédrale de Sens. Et ce beffroi, s'il n'existe pas, en fait la cloche, elle risque à tout moment de faire tomber le clocher. Donc à l'intérieur du clocher, il y a une cage en bois pour absorber le balancement des cloches, puisqu'elles sont plusieurs. Et ce qu'on entend, c'est le craquement de ce beffroi. Donc en fait, vous voulez faire entendre à la fois ce que produit l'instrument et ce que vit l'instrument lui-même. Alors, quand on essaye de restituer un objet sonore, il faut prendre la totalité de l'objet, tout ce qui parvient à nos oreilles, qu'il soit implicite ou explicite. C'est-à-dire ce qui nous parvient réellement et ce qui est caché derrière le plus gros son. C'est-à-dire quand on l'entend un plénum, on entend l'intégralité des cloches et on ne va pas entendre le craquement du beffroi. Et là, par exemple, mais il est présent. En l'occurrence, pour reconstituer cette suite de sons, appelons-la comme ça, cette série sonore, quels étaient les outils, les instruments, les micros, j'imagine, que vous avez utilisés ? Mais là, il y a à peu près 16 micros. Oui, je vois Luc Jean Reynaud, là, notre ingénieur du son qui se régale à vous entendre. 16 micros. Oui, on a des micros qu'on place sur la matière. Surfacique, comme vous dites. Surfacique ou sismique. On a des géophones également qui vont chercher le son à l'intérieur de la matière. Donc les craquements, par exemple, ils sont enregistrés de l'intérieur. Oui, ils sont surfaciques et à l'intérieur. Et puis ensuite, on a des micros à l'extérieur pour avoir la totalité de la scène. Donc vous chassez les sons comme d'autres chassent les papillons. Les papillons, oui. Ouais. Je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait. Bon, là, je donne ma langue au chat de Schrödinger. Qu'est-ce que c'est ? Là, c'est le travail des staffers. Donc, on est à l'intérieur staffer, de Notre-Dame. Ça veut dire ? Le staffer, c'est celui qui restaure les frises dans Notre-Dame. Donc au niveau du transept, là on est sur le transept nord. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le chantier de restauration de Notre-Dame actuel, c'est à peu près 80 décibels. Or, tous les artisans travaillent avec leurs oreilles pour ajuster au plus proche le geste par rapport à ce qu'ils veulent avoir comme résultat. Donc là, ils grattent, ils mettent une pâte pour restaurer la frise, une pâte qui ressemble un peu plus solide que du plâtre, et puis ils la laissent sécher, et puis ils vont la regratter pour refaire la frise, la sculpture à cet endroit-là. Ça veut dire que ce qu'ils entendent détermine leur façon de travailler. Tout à fait. Ils savent s'ils peuvent appuyer un peu plus pour entamer la matière ou pas. Et là, ils sont orphelins de leurs oreilles. Ils sont complètement aveugles des oreilles. Parce qu'ils ont des casques ? Parce qu'ils ont des casques. 80 décibels, on est obligé de travailler avec des casques. Donc, ils travaillent un peu à l'aveugle. Donc, nous, quand on est allé sur le chantier, on leur a fait écouter cette matière. À l'aveugle, du point de vue du son. Du son. Et le fait que vous leur fassiez entendre ces bruits, ça les aide alors ? Ah oui, oui, ils étaient vraiment très, très heureux de retrouver leurs oreilles. Les chantiers, aujourd'hui, sont interdits au public. Oui. Donc, on n'entend pas... Alors, vous m'avez expliqué qu'il y a des critches. Il y a des cris de métier. Oui. C'est quoi les cris de métier ? Alors, le cri de métier, c'est dans une ambiance très bruyante, pour se faire comprendre, on a des espèces d'interjections qui existent et qui permettent de pouvoir communiquer sans. Parce qu'on ne peut pas parler. On ne peut pas dire va à droite, va à gauche. Donc, on va avoir un certain nombre d'interjections pour aider le collègue avec qui on est. Des cris d'alerte et d'information. Alors, ces cris-là, on les a plus aujourd'hui. On les a plus parce que les casques font qu'ils seraient inopérants. Bah, déjà, il y a ce fait-là, mais il y a également l'évolution de tous les métiers qui, par exemple, comme on est sur des outils qui sont pneumatiques, je prends Notre-Dame, bah, vous pouvez toujours essayer de crier dans le... Même si vous ne mettez pas de casque, déjà, bah, vous êtes sourd, mais le cri ne passe même pas. Donc, les cris de métier ont été oubliés au fil du temps. Mais est-ce que vous arrivez, vous, à les reconstituer ? Ben non, malheureusement, ça, ce sont des sources qui sont perdues. Et j'aimerais bien retrouver, parce que ça fait la vie d'un chantier. Et si on vous offrait une machine à remonter dans le temps ? Je serais contente. Vous serez contente. Et ouais. Quelle date choisiriez-vous ? Alors, s'agissant de Notre-Dame, j'imagine que vous choisiriez la date de 1171, date à laquelle le chantier a commencé. Si. Oui, ça serait bien. Et est-ce que vous pensez que ça créerait chez vous des surprises ? Ou est-ce qu'à force d'avoir travaillé sur cette question du bruit des chantiers, vous pensez que les choses se passeraient comme vous les avez reconstituées ? Non, non. Puis alors, moi, je suis un grand enfant, donc je pense que oui, je me délecterais à retourner dans le temps. Et des surprises, mais on en a tout le temps, parce que même si on fait très attention, on se projette dans un imaginaire qui n'est pas forcément collectif, mais qui est... on a l'imagination qui est là. Et est-ce que à droite... Aller à droite ou aller à gauche, est-ce qu'il dirait plutôt ci ou dirait plutôt ça ? Donc on n'est pas dans ce... Moi, j'ai pas la science exacte, je ne sais pas. J'ai beaucoup d'imagination. Mais est-ce que vous... Si l'expérience dont je parle était possible, capsule temporelle, ouais. Est-ce que vous auriez peur de découvrir des choses qui sont contraires à ce que vous avez... Non. Non. Non, non, non. Et puis, j'ai jamais de déception. Même si, je me dis, tiens, ça fait pas du tout ce que j'ai pensé que ça ferait. Non, non, je serais pas déçue. C'est quoi vos plus grandes surprises ? Quand vous voyez un objet, vous êtes capable d'imaginer quel son il va produire si on tape dessus, par exemple ? Alors, capable d'imaginer, oui. Au résultat, bah, parfois, ça donne pas du tout ce à quoi on pense. Je pense, par exemple, à la taille du silex, où je me projetais sur la taille de pierre, et la taille du silex, on est plus proche de l'acier, et l'obsidienne, on est plus proche du verre. Donc voilà, on se projette. Mais moi, je suis jamais déçue. Oh, jamais déçue par un son. Et là, je vais vous faire écouter un extrait qui devrait vous intéresser, Mylène Pardoen. je précise que nous sommes sur France Culture. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? J'ai reconnu des animaux. Oui, on a entendu un extrait du chantier de construction de Notre-Dame en 1170. Donc, c'est que la partie chevet. Et cette partie du chantier-là, elle est du côté de la Seine. Donc, oui, il y a énormément d'animaux. Et puis, on a entendu la scie passe-partout, on a entendu des tailleurs de pierre, la tarière, le rentre-dedans. Les écarisseurs, voilà, tous ces corps de métier qui sont présents sur le chantier et qui permettent à la cathédrale de se construire et de se monter tout doucement. Mais il y a des cris d'animaux, alors, comment, oui. Alors pas n'importe lesquels, vous les avez choisis comment? Ah ben, alors, pour les cris du côté de la Seine, j'ai fait une recherche zoologique, hein, pour savoir quels étaient les animaux présents à Paris à cette époque-là. Pour les animaux sur le chantier, on a tous les chevaux et les animaux de trait qui sont très présents. Et puis sinon, il y a tous les animaux qui peuvent servir à la nourriture et qui courent sur le chantier. Donc on n'est pas sur un chantier privé fermé comme aujourd'hui, mais on est sur un chantier grand public, très grand public. Oui, donc il y a des promeneurs quasiment. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a de la vie. Tout le monde vit sur le chantier. Mylène Pardouane, j'ai lu quelque part que vous disiez, que vous avez dit, que plus on remonte dans le temps et plus les sons sont informatifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on remonte dans le temps et qu'on écoute, enfin qu'on analyse et qu'on étudie ce passé, on s'aperçoit que si aujourd'hui on a la prise en main facile de notre smartphone pour avoir de l'information, quand on remonte dans le temps, on s'appuie sur ses oreilles. Géographiquement, ça nous permet de nous situer dans la ville, dans l'urbain. Temporellement aussi, puisque les cloches des églises donnent l'heure. Donc tout ça, c'est important. Par exemple aussi au niveau saisonnier, parce que on va écouter les animaux et en fonction des saisons, ils n'ont pas tout à fait les mêmes cris. Et donc ça nous informe sur les périodes. Donc tout ça c'est important. Et donc plus on remonte dans le temps, plus cette indication informative liée au son est très présente. Enfin, il y a toujours un son dans les oreilles, mais il est informatif, mais de ce qui se passe ailleurs, pas de ce qui se passe autour de nous. Autrement dit, on devient sourd à l'environnement. C'est ça que vous voulez dire? Non, ce que je veux dire, c'est que, comme nos oreilles d'aujourd'hui, les petits sons sur lesquels on est habitué, l'oreille et le cerveau va baisser le niveau pour ne rester attentif que sur des sons qui nous mettent en alerte. Et ça, c'est important. Mais tous nos sens sont utilisés. Aujourd'hui, on va être plus sensible à l'odorat, parce que quand on va arriver près d'une boulangerie, on se dit « Ah, je suis près d'une boulangerie parce que ça sent bon !» Mais à l'époque, on servait aussi de ses oreilles. Vous dites qu'on est devenu fainéant des oreilles, Mylène Pardouane. Oui. Oui, on est devenu. C'est ça que ça voulait dire. Oui, on est devenu fainéant parce que on les enferme dans des casques. Ou dans des oreillettes, ou peu importe. Vous dites c'est comme si on tentait de respirer avec du coton dans le nez. Oui, parce que on veut être encouconné. On n'accepte pas d'être soi-disant agressé par des sons. Mais si on est agressé par des sons, ça veut dire qu'on n'est pas habitué aux sons et qu'on peut pas les interpréter en tant que tels. Le chant du coq devient une agression. Oui, le chant du coq, mais pas que. Alors, on va écouter Mylène Pardouane un autre extrait, je ne dis pas de quoi il s'agit, mais je rappelle que nous sommes sur France Culture. crois que c'est une histoire d'eau ? C'est une histoire d'eau, oui. Peut-être alors, pas celle à laquelle on pense toujours, mais celle-là, c'est un moulin. C'est un moulin. C'est un moulin, c'est le moulin de Guédelon. Et donc, à chaque période où on se rend à Guédelon, on enregistre le moulin, qui nous permet d'avoir, à l'instant T, une cartographie de l'évolution de ce moulin. Puisque avec les sons, là on est sur l'informatif, on arrive à savoir quels sont les points durs ou pas, quelles sont les usures du moulin. Alors rappelez-nous ce qu'est Guédelon. Alors Guédelon, c'est un château qui est en construction, c'est un chantier expérimental. Et depuis 25 ans, ex nihilo, l'équipe de Guédelon, dont Marilyn Martin est présidente, eh bien, élabore un château sous toutes ses formes, avec les techniques plutôt médiévales. Donc, et avec les matériaux du passé, enfin, qui sont disponibles. Alors, sur site. Sur site. Donc, la pierre sur site, le bois sur site, tout est sur site et surtout, il n'y a pas d'électricité. Donc, le challenge, il est important puisqu'on doit retrouver les techniques du passé. Donc, pour nous, c'est intéressant puisqu'on va capter ces gestes et on va les capter au plus précis de la technologie par elle-même jusqu'à aller chercher dans la matière le complément de ce qu'entend l'artisan puisqu'il n'entend pas que le bruit extérieur. Je crois savoir que vous y allez souvent. Et en quoi vos travaux sur place aident-ils, par exemple, au chantier Notre-Dame de Paris dont on a parlé à l'instant ? Alors, toutes les bruits et les sons qui ont servi à restituer la fresque sonore de Notre-Dame, on va dire 96%, proviennent de Guédelon. Puisque justement, ce sont des techniques qui sont de l'époque du chantier de construction de Notre-Dame. Donc on a ces gestes artisanaux qui sont très présents et que l'on peut dupliquer et restituer pour Notre-Dame. C'est une fresque sonore, un paysage sonore. C'est-à-dire que, si je comprends bien, s'il n'y avait pas eu cette initiative incroyable de reconstruire un château aujourd'hui avec les techniques du passé, le chantier de Notre-Dame aurait été plus difficile ? Oui, la restitution de la fresque sonore aurait été beaucoup plus compliquée, puisqu'il faut retrouver ces gestes-là. Quand on restitue une fresque sonore, on est obligé de passer par la phase objet sonore. C'est-à-dire, je ne peux pas mettre un micro avec plein de têtes qu'on appelle ambisonique. Je ne peux pas le planter puisque je ne peux pas retourner dans le passé. Je ne peux pas enregistrer ce passé. Donc pour restituer le passé, je suis obligé de passer par une phase qui est quels sont les différentes couches et les différentes activités que je dois trouver sur le lieu de, par exemple, le chantier Notre-Dame. Donc, pour restituer l'ambiance sonore du chantier Notre-Dame, on est obligé de faire un plan, de choisir délimiter trois aires qui sont une aire géographique, donc là c'est le chantier Notre-Dame, une aire temporelle, on a dit 1170 en gros, et puis surtout une aire de restitution, c'est 4 minutes. Une fois qu'on a délimiter ces aires de travail. On va aller les nourrir avec des informations dans les archives. Les 390 heures nécessaires pour aller chercher les informations. Vous travaillez avec des historiens ? Je travaille avec des historiens, des sociologues, tous mes collègues de sciences humaines et sociales, mais pas seulement. Donc, je les interroge, ils me passent des informations. Moi, je suis archéologue du paysage sonore, je vais dérouler les fils. Et je vais aller chercher sur chaque indice, dans le présent, je vais compléter l'enquête du passé par une enquête dans le présent. Et je vais essayer de retrouver sur chaque indice qu'est-ce que je peux rattacher qui est encore dans notre présent. À Guédelon, j'ai tous les corps de métier qui travaillent sur le château qui sont présents. Et je vais les enregistrer. Donc, on a deux grosses enquêtes qui sont faites à ce niveau-là. Ensuite, ils passent une étape suivante, c'est une étape en laboratoire. Je suis comme chez France Culture, je vais mettre mes fichiers sons. Donc je vais raconter une histoire avec mes fichiers sons, ça s'appelle hétérographier. Donc vous êtes devant une espèce de console ? Oui, j'ai mon ordinateur, je travaille avec un logiciel qui s'appelle Reaper, et je travaille de concert avec la grosse équipe qui est derrière moi, c'est-à-dire un ingénieur son. Donc nous sommes deux pour travailler sur ces restitutions de fresques sonores. L'ingénieur son qui m'a aider pour la captation, il m'aide également pour la constitution de cette fresque. Donc moi, je vais raconter mon histoire sur Ripper. Dans Ripper, moi je suis que archéologue du paysage sonore, je ne suis pas ingé son. Donc lui va récupérer toute l'histoire que j'ai racontée, il va faire une petite correction. Et la dernière étape, c'est celle de la mise en son et de la diffusion. Parce que ce n'est pas le tout de capter, mais il faut également diffuser. Et donc à la Maison des sciences de Lyon-Saint-Etienne, on a une petite salle immersive, 46 haut-parleurs, et on va spatialiser la scène que l'on vient d'entendre. Nous, on la diffuse sur ces 46 haut-parleurs. Donc vous êtes entouré par des sons. Repensons à la scène qu'on vient d'entendre. Donc c'est un moulin à eau de Guédelon. Oui. Et on voit bien que ça circule. Enfin, on entend bien l'eau qu'à la fin. Donc ça veut dire que les micros ont tourné ? Non, les micros, ils n'ont pas tourné. Les micros, ils sont positionnés à certains endroits. Et puis, l'eau, elle va courir dans le logiciel. C'est le logiciel qui va faire le déplacement. J'ai pas compris. On va prendre un fichier son. Et par exemple, on va le passer de droite à gauche dans le logiciel. Ah, c'est vous qui temporalisez la chose. Tout à fait. Donc, il faut pas se tromper. Il faut pas que le cheval, il aille à la vitesse d'une Porsche, par exemple. On va écouter alors je sais plus à quel numéro on est, quatrième extrait. Luc Jean Reynaud me fait remarquer que c'était le cinquième. Alors là, moi, j'ai cru reconnaître, ça tape, c'est régulier, c'est même rythmé d'une façon très précise. C'est une taille de pierre, non ? Voilà, c'est les tailleurs de pierre, toujours à Guédelon. Et ce qu'on a entendu à la toute fin de la captation, c'est ce qui se passe dans la pierre. Alors, pourquoi capter ce qui se passe dans la pierre ? C'est que le tailleur de pierre, quel que soit artisan, ils ont une partie de l'information par conduction osseuse. Or, nous, on ne peut pas récupérer cette information-là qui est nécessaire, mais qui donne de la densité au son. Donc, on va le chercher dans la pierre. Qu'est-ce que vous appelez la conduction osseuse ? C'est l'information de la frappe du marteau qui passe par le... Par la main, la paume de la main. Par la paume de la main qui remonte et donc par les os et qui arrive au cerveau. Et le tailleur de pierre en tient compte dans son geste. Tout à fait. Et pourquoi c'est aussi régulier ? Ah ben là, il faut demander au tailleur de pierre, mais je pense que c'est pour lui, c'est nécessaire d'avoir une taille régulière pour avoir un sillon régulier aussi. Et puis, il se fatigue moins. D'accord. Est-ce que, quand vous arrivez dans un endroit comme Guédelon, n'importe quel autre chantier ou lieu que vous souhaitez rendre sonore, est-ce que vous le voyez comme une sorte de monde vibratoire ? Je vois comme alors moi je suis musicologue, je vois comme un grand orchestre. Et la première chose que je fais, même si je vais à Guédelon et ça fait, là je vais attaquer la 19e saison sur Guédelon, hein, donc 19 fois que je serai allé sur Guédelon, la première chose que je fais c'est que j'écoute le chantier. Même s'il fait pas de bruit? Même s'il fait pas de bruit, parce que c'est un cœur battant un chantier. Même si c'est midi, quand les ouvriers et les ouvriers sont en pause, le chantier, c'est un cœur battant. C'est un cœur battant tout le temps. Et cette pulsation, il faut la prendre, il faut l'accepter telle qu'elle vienne aux oreilles. Alors, je ne sais pas si, Mylène Pardoen, vous avez lu Gaston Bachelard. Non, il a écrit un livre, il a écrit beaucoup de livres, mais il y en a un qui devrait vous intéresser, qui s'appelle « La dialectique de la durée ». Dans lequel il compare la matière à ce qu'il appelle une anarchie de vibrations. Ça doit vous plaire, ça. Et je vais vous lire un petit extrait dans lequel il compare, ou il décrit plutôt ces imposants blocs de matière que sont les pyramides d'Égypte. Je le cite. Les pyramides, dont la fonction est de contempler les siècles monotones, sont des cacophonies interminables. Un enchanteur, chef d'orchestre de la matière, qui mettrait d'accord les rythmes matériels, volatiliserait toutes ces pierres. Cette possibilité d'une explosion purement temporelle, due uniquement à une synchronisation des temps superposés relatifs aux différents éléments, montre bien le caractère fondamental du rythme pour la matière. Fin de citation. Oui, tous les métiers, mais tous sans exception, s'appuient sur un rythme. Même les moins sonores, quelque part, ils ont tous leur rythme. Parce que... c'est essentiel pour fournir un beau travail. Et un beau travail, c'est un travail qui sonne bien. Est-ce que vous avez l'impression que le passé existe encore, quelque part ? Alors, oui, on peut pas, le présent ne peut pas sortir ex nihilo, donc le présent il s'appuie sur le passé, tout comme le futur s'appuiera sur le passé actuel qui est le présent. Donc on s'appuie toujours sur le passé, et les sons du passé sont encore présents, et restent encore présents. Mais est-ce que la discipline que vous avez inventée, que vous pratiquez, est-ce qu'elle a fait école ? Est-ce que elle se généralise, ou est-ce que vous restez l'unique spécialiste avec votre collaborateur ingénieur du son ? Eh bien, malheureusement, je suis pour l'instant encore unique, et c'est compliqué. Il faut beaucoup de patience, énormément de patience, beaucoup d'écoute, de concentration, pas seulement auditive. Mais de concentration sur l'observation de tout ce qui se passe pour pouvoir le capter avec les oreilles. Et ça, c'est difficile. Il faut aussi aimer plus que la normale la complexité. Alors oui, il faut aimer ce qui est complexe. Si on n'aime pas cette matière qui est, moi j'appelle barbe à papa, parce que un son il est jamais le même. On peut taper sur la pierre 50 fois, ça sera à la fois le même et pas le même. Et c'est cette différence qui est belle. C'est s'il fait beau, la pierre, même si vous prenez la même pierre, la pierre ne chantera pas de la même manière. S'il fait chaud, ça ne chante pas. S'il pleut, ça ne chante pas de la même manière. Donc le son, il a quelque chose de magnifique, c'est qu'il est unique. Et quand on le capte qu'on peut le restituer une seule fois. Mais est-ce que vous êtes mélomane ? Oui, je pense. Mais est-ce que vous êtes une mélomane tolérante ? Ou est-ce que cette sensibilité extraordinaire que vous avez au son vous rend très difficile ? Non, très exigeante ? Non, j'accepte le son tel qu'il arrive, parce que c'est ce qui fait sa beauté. Même si on joue faux, vous trouvez ça intéressant ? Si on joue faux, c'est... J'ai eu l'opportunité de diriger une chorale, on a ce qu'on appelle des bourdons. Un bourdon, il faut l'accepter tel qu'il est, et il faut savoir... Un bourdon, c'est une fausse note ? Non, un bourdon, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à chanter avec les autres. Il va détonner par rapport aux autres. Donc il faut l'amener tout doucement, c'est parce qu'il ne s'entend pas. Et il faut l'amener tout doucement à travailler avec les autres. Mais... C'est parce qu'on aime le son le plus juste par rapport à un coma aujourd'hui. Même au XVIIe siècle, je pense qu'à un certain moment, on jouait tous faux. Hein, parce que les instruments se désaccordaient tous, et c'était jouer le plus ensemble possible à un moment donné. On va écouter Mylène Pardoen. Alors pour le coup, ça fait 6, hein, 6e extrait. Mais on entend de la mécanique. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, nous, quand on va enregistrer des machines, c'est pas seulement, là, on est sur de la musique, mais c'est pas seulement la musique, c'est toutes les mécaniques, toute la mécanique qui est présente. Pourquoi ? Parce que l'artisan, ce qu'il va essayer de corriger, c'est tout ce qui ne va pas dans la mécanique. Donc il va être attentif à tous ces petits cliquetis que l'on a pu entendre au tout début de l'extrait. Ces petits cliquetis qui vont l'informer si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, si c'est bien réglé ou pas réglé. Et nous, c'est ce qu'on cherche aussi. C'est capter l'intégralité des petits sons que l'artisan guette, et pas seulement la musique telle que l'on va l'entendre. Mais Mylène Pardoen, on l'a dit en début d'émission, vous avez pendant quelques années été mécanicienne d'hélicoptère. Oui. Et vous n'avez pas envie, avec cette, ces nouvelles techniques que vous avez inventées, utilisées, eu l'envie de, d'aller faire la même chose pour les pales d'hélicoptère, voir comment ça marche bien? Alors, moi, quand j'étais mécanicien sur hélicoptère, on travaillait avec, avec nos oreilles. C'est-à-dire que chaque pièce, on les faisait tourner et on écoutait s'il y avait des points durs ou si ça cliquait. Je pense qu'aujourd'hui, les technologies qui vont servir à faire des diagnostics sur les hélicoptères passent par l'informatique et on est plus sur quelque chose de très pas sensoriel du tout. On est sur des échelles de mesure et c'est ce qui nous tue quelque part. C'est qu'aujourd'hui, on va plus vers la sensorialité. Qu'est-ce que vous appelez la sensorialité par rapport à la sensibilité, par exemple? Quelle différence vous faites? Alors, la sensorialité, elle va directement s'appuyer sur un de nos sens. La sensibilité, elle va s'appuyer sur une partie émotionnelle. Moi, je travaille pas sur l'émotionnel. Si ce que je vous fais écouter, ça vous émeut, c'est parce que quelque part, vous avez des souvenirs qui sont rattachés au son que vous entendez. Si vous n'avez pas de souvenirs, vous allez vous dire, bah oui, à la rigueur, ça, c'est beau, ça me raconte quelque chose, je ne sais pas quoi. Bon, voilà, ça va être plus compliqué. En fait, le sensible, c'est la Madeleine de Proust. Et moi, c'est pas ce qui m'intéresse. La Madeleine de Proust ne m'intéresse pas. C'est un effet qu'on ressent notamment avec l'orgue. Oui, parce que l'orgue positif, bah, quelque part, si vous avez entendu un orgue positif et que ça vous parle, ça vous chante à vos oreilles, ça vous chante à votre cœur et ça vous chante sur la mémoire. Ça va enclencher un souvenir et là, vous vous dites, j'ai entendu. Si je vous fais écouter une scie passe-partout, vous n'avez jamais entendu une scie passe-partout, à la rigueur, vous allez me dire, j'entends une scie, mais il n'y a pas de souvenir que vous allez pouvoir raccrocher. Par contre, si vous avez eu des grands-parents qui ont travaillé avec une scie passe-partout, quelque part, l'image du geste qui est effectué va revenir. Et ça, c'est la partie sensible, émotionnelle. Mmh. Et alors, quand les visiteurs d'un musée, par exemple, d'une exposition, voient des choses qu'on voyait avant sans le son et les voient maintenant avec du son, est-ce que vous notez une différence de comportement? Alors oui, le fait de mettre du son sur certains lieux ou sur certains objets permettent de les recontextualiser et ça parle beaucoup plus au public. Je prends un exemple sur le chantier archéologique de la crypte Notre-Dame. En dessous, il y a un bout de quai du 3e siècle après Jésus-Christ. Le fait de l'avoir sonorisé correctement, le public reste et va consulter la documentation. Alors donc qu'avant, ça, il ne comprenait pas la fresque. Donc ça excite la curiosité, ça donne envie de comprendre. Voilà, ça ouvre à la compréhension. On est plus ouvert à qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que ça me parle? Mais est-ce que, par exemple, les gens qui font du cinéma vous sollicitent? Non. Déjà parce que, on l'a vu au début de l'émission, ça a un coût. C'est la fabrication. Ah oui, 300 heures pour 3 minutes. Ouais, beaucoup plus de 300 heures. On est sur des durées qui coûtent cher. Et puis, le cinéma, lui, il surfe sur les émotions. C'est-à-dire que quand on est au cinéma, on a rarement que des sons. On a souvent beaucoup de musique. Donc, on va accompagner, on va préparer le spectateur à l'émotion. Et on va l'entraîner dans son émotion et puis on va le faire redescendre pour le faire remonter. Hein. C'est des vagues comme ça qui vont rythmer le cinéma, le film. Est-ce qu'il y a une bande sonore qui est inaccessible pour je ne sais quelle raison que vous aimeriez connaître? Venant donc du passé, un événement, un type de phénomène, que ce soit une bataille, la cour du roi Louis XIV dont j'ai parlé tout à l'heure, ou autre chose. Ou il y a une sorte de vide historique que vous aimeriez combler en allant sur place. Eh bien, non, pas forcément, parce que je suis ouverte à tout, donc tout m'intéresse. Donc si vous me proposez une époque, je vais vous dire banco, mais j'ai pas d'époque préférée. Même si de temps en temps, je me dis comment la période préhistorique pourrait sonner, parce que ça, c'est un grand mystère. Là, il y a trop d'hypothèses pour lesquelles travailler serait vraiment problématique. Par exemple, les animaux, on ne sait pas, on n'aurait pas, on n'a pas le cri du dinosaure en rut, hein, ou du mammouth qui fait sa cour, ça on n'a pas. Donc c'est des éléments qu'on ne pourrait pas restituer. On peut restituer à la rigueur la taille de silex, on peut restituer l'art périétal, on peut restituer comment on peut faire du feu. Mais il y a trop d'éléments. Que plus une période est récente, plus c'est facile pour vous. Alors, c'est une règle générale ou il y a des exceptions? Alors, moi, je ne travaille pas sur le contemporain, parce que tout est facile, on met un micro, on peut avoir... Je travaille à partir du 19e, où là, ça commence vraiment... Oui, vous avez un projet, je crois, qui s'appelle Bretèze. Alors, Bretèze, c'est le 18e. J'ai travaillé pour Nantes au 19e siècle. Ce qui est intéressant, c'est le tuilage entre tout ce qui est hippomobile et tout ce qui est mécanique avec les voitures à moteur, hein, à explosion. Tout ça, c'est intéressant. Là... En contemporain, non, ça... Le projet Bretèze, pour revenir à lui, ça consistait en quoi? Alors, c'est une visite du quartier du Grand Châtelet dans la deuxième partie du XVIIIe siècle à Paris. C'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé. Et qui passe commande de ce genre de projet? Personne. C'est un coup de... C'est ce qui m'a lancé sur le travail. J'ai eu deux coups de foudre. Un coup de foudre avec le plan Bretèze. C'est le plan de Paris en perspective cavalière. Et puis le tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier. Les deux parties ont matché en même temps. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Je vais essayer de rendre ce Paris du 18e accessible aux oreilles. C'était accessible pour moi. Je me suis dit, il fallait le faire. Et donc, ça a été mon premier travail de... Mais accessible pour vous, parce que vous l'entendez? Voilà, parce que moi, je l'entendais. Et j'ai voulu le donner accessible aux oreilles d'autres personnes qui ne l'entendaient pas. Donc, c'est normal que votre discipline ne se généralise pas. Il y a très peu de gens qui entendent des sons en regardant un plan. Oui, oui. Mais bon, maintenant, on pourrait se dire, en allant chercher dans les sources, il y a moyen d'aller un petit peu plus loin. En fait, votre métier, si on veut appeler ça un métier, Mylène Pardoin, il ressemble à ce que font les physiciens des particules. Eux, ils créent des collisions de particules à haute énergie pour reconstituer les conditions physiques du passé. Et comme on pense que les lois physiques n'ont pas changé, ils voient apparaître dans le présent les phénomènes qui se déroulaient dans le passé quand l'univers était plus chaud qu'aujourd'hui. Oui. Donc ils offrent à l'univers une cure de jouvence, un peu comme vous. Oui, c'est ça. On a à peu près les mêmes caractéristiques du côté d'un retour possible et d'une explication du passé, oui. Oui, bon, vos micros, c'est l'équivalent des détecteurs de particules qu'ils utilisent de leur côté. Oui. Alors, on va écouter... Peut-être un peu moins cher, quand même. Oh, c'est pas le moment de le dire. On va écouter le dernier extrait, si vous le voulez bien, le 7e, si mon compte est bon. Je ne sais pas si c'est un chantier, un animal. On est dans le cœur de la matière. C'est un fil de laine. Et on est dans l'atelier de restauration d'une tapisserie d'Aubusson. Donc ce qu'on entend, c'est l'aiguille qui passe avec son fil de laine et qui accroche. C'est de la matière qui est filé. Hein. Donc on entend bien ces petites accroches de chacun des brins de laine qui sont filés, mais qui restent présents quand on fait la restauration. Mais quelle idée ! Ça sert à quelqu'un ? Est-ce que les personnes qui filent la laine de cette façon tirent profit du son que vous leur permettez d'entendre et qu'elles ne peuvent pas entendre directement sans les appareils que vous utilisez ? Alors, les restaurateurs et tristes de tapisserie utilisent leurs oreilles dans les ateliers qui sont silencieux. Donc, ils savent très exactement comment tirer le fil et comment réagit le fil. Là, les conditions d'enregistrement, c'était durant le Salon international du patrimoine culturel. Et il y avait énormément de foule. Donc, impossible de travailler là où, comme dans le chantier actuel de restauration de Notre-Dame, impossible de travailler avec ses oreilles. Donc nous, quand on va capter ces sons systématiquement, on fait écouter aux artisans ce qu'ils sont en train de faire et ils redécouvrent leurs oreilles. Donc oui, c'est aussi à destination de formation. Donc on a toute une partie de nos travaux qui sert pour la recherche, pour le grand public, et puis on développe pour la formation, cette sensorialité qui est très présente dans le métier de l'artisanat, mais qui n'est pas mis à profit. Donc nous, on est là pour dire, eh bien, on peut vous apporter un complément, on ne remplace pas, nous, on n'est pas l'IA sensorielle, non, on vient, on permet d'apporter des pistes, comme un fil rouge, en se disant, ben voilà, si le geste est bon, on peut entendre ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent pour que vous faisiez ce travail pour eux ? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de demande dans ce sens-là, mais nous, on travaille sur des interfaces pour mettre en lumière, pour mettre en écoute cette partie de la sensorialité. Merci Mylène Pardoen. C'était passionnant. Ça, je crois, beaucoup intéressé notre ingénieur du son et notre réalisateur. Nous allons écouter ensemble la chronique d'Alexandra Delbourg avec Science qui va nous parler aujourd'hui, je crois, d'un tri en cours. Non, pardon, du Nutri-Score. J'ai confondu avec l'anagramme. Quel est le meilleur système d'étiquetage nutritionnel en Europe ? C'est un nom un petit peu barbare, dit comme ça, mais vous en connaissez au moins un, le Nutri-Score. Un logo adopté en 2017, avec 5 niveaux, de A à E, du vert au rouge, qui informe le consommateur de la qualité nutritionnelle des produits transformés. Ce classement évolue régulièrement, il s'est même durci en janvier dernier, et il faut le rappeler, rien de tout cela n'est imposé. L'industriel choisit ou non d'apposer la vignette sur les produits, tous ne le font pas. Certains l'ont fait et font marche arrière, mais globalement, de plus en plus de fabricants jouent le jeu. En 2020, elles étaient 415 entreprises à s'y soumettre. En juin 2021, 700, ce qui représente 57% des parts de marché en volume de vente. Le Nutri-Score est à présent disponible dans 6 autres pays, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne et Suisse, mais il n'est pas le seul en Europe. Marion Deveau est analyste des politiques de santé à l'OCDE et première autrice de cette nouvelle étude parue dans Obesity. Il existe en Europe différents types d'étiquetage sur l'avant des produits. On peut les classifier en 4 catégories. Donc, tout d'abord, les logos non colorés qui présentent l'information nutritionnelle par nutriment. C'est le cas, par exemple, du Nutri-Inform en Italie. Donc, il présente l'apport en énergie, en matière grasse, acides gras saturés, sucre et sel, contenu dans une portion du produit en proportion des apports journaliers de référence. Le deuxième type d'étiquetage, ce sont les logos qui affichent un code à 3 couleurs, rouge, orange, vert, avec des informations nutritionnelles par type de nutriments à nouveau. C'est le cas, par exemple, de feux tricolores utilisés au Royaume-Uni. La troisième catégorie, c'est les logos qui résument l'information nutritionnelle en une seule dimension. C'est le cas du Nutri-Score, qui offre un score global sur la qualité nutritionnelle du produit. Et ensuite, les logos d'approbation qui valident la qualité nutritionnelle d'un produit. C'est le cas, par exemple, du Keyhole, qui est utilisé dans les pays nordiques. Il est sous la forme d'une vignette de couleur verte qui représente un trou de serrure et qui est apposé sur l'avant du produit. Des logos plus ou moins colorés, plus ou moins spécifiques, mais lequel choisir s'il ne devait en rester qu'un? Quel logo a-t-il le plus fait ses preuves? La littérature scientifique commence à s'étoffer à leur sujet et on sait qu'ils ont des effets sur le comportement des consommateurs. Alors, l'enjeu de cette nouvelle étude, c'est d'estimer à quel point, c'est-à-dire quels seraient les impacts sanitaires et économiques de chacun de ces repères d'ici à 2050, s'ils étaient mis en place de façon soit volontaire, soit obligatoire. Pour cela, l'étude a d'abord estimé le nombre de maladies qui pourraient être évitées, en comptant maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, mais aussi le coût des soins de santé associés à ces pathologies. Et pour le volet purement économique, cette fois, ce sont les pertes pour le marché du travail et la productivité qui ont été étudiées, parce que si vous êtes malade, vous ne travaillez pas et donc vous produisez moins de richesses. Résultat, selon ces critères, le Nutri-Score est le meilleur. Le Nutri-Score a les effets les plus significatifs. En second plan, le logo Nordic Kiol montre aussi de bons résultats, mais les effets ne sont pas statistiquement significatifs. Enfin, les logos qui présentent les informations par nutriments ont des effets moindres, voire non significatifs. Avec la mise en place du Nutri-Score, 2 millions de cas de maladies chroniques pourraient être évités d'ici à 2050 en Europe. Des économies de dépenses de santé équivalentes à 0,05% des dépenses de santé évitées, ce qui représente à peu près 1 euro économisé par habitant et par an. Donc si on ramène ça au nombre d'habitants dans l'Union européenne, 450 millions, ce sont des économies très importantes. Et enfin, du fait d'une meilleure santé, la participation au marché du travail et la productivité seraient augmentées de l'équivalent de 10 temps plein pour 100 000 habitants. Et dans le cas de l'implémentation obligatoire, les bénéfices pour la santé et les bénéfices économiques seraient bien plus grands, donc quasiment 3 fois plus grands que ce qu'on obtient sur une implémentation volontaire. Et il s'agit d'une sous-estimation, parce que l'étude ne prend en compte que la réduction du nombre de calories, et pas spécifiquement la meilleure qualité des produits en gras, en sucre, en sel ou en céréales complètes. Donc les effets pour la santé pourraient être encore plus importants. Mais est-ce si étonnant que le Nutri-Score soit le meilleur? Eh bien, pas tout à fait. En fait, ce logo donne un score global, alors que les autres ont tendance à résumer les informations par type de nutriments, ce qui les rend plus difficilement interprétables. Le Nutri-Score étant plus simple et global, il aurait donc plus d'effets. Pour la suite, la Commission européenne s'était engagée à rendre l'étiquetage nutritionnel obligatoire en 2023, sans succès donc, mais un symposium scientifique sur le Nutri-Score est prévu pour la fin avril, ce qui pourrait relancer les négociations. Merci Alexandra et merci à vous Mylène Pardoen pour ce petit voyage que vous nous avez offert au pays qu'habite les sons. Vous m'avez parlé d'un audio guide. Oui, donc nous avons collaboré à l'élaboration d'un audio guide qui permet de visiter le pourtour de Notre-Dame qui s'appelle l'Esprit de Notre-Dame et qui a été mis au point par le laboratoire de l'Institut Jean-Laurent d'Alembert. Merci à vous, c'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Ruben Carmazine et à la réalisation Luc Jean-Reynaud.